Allez, brûle-moi cette guirlande sur ton sapin. L'oppresseur fait recette, mauvais larcin. Car l'insoumis se révolte, prends ça comme une insulte. Sale vieux bougre, toi et ton bluff, briser nos rêves de gosse. Nos pères triment pour faire crier le gigot. Je suis prêt à traîner dans les rues pour arracher un sourire à ma môme. Tes flocons d'espoir, c'est berner l'insurgé. Tu sais déjà qu'il est dur de purger sa peine dans nos pénitenciers. Faire du mitard à Noël, c'est comme un flingue qui décharge sa colère sur l'oppresseur. Je n'ai pas vu de traîneau parmi les étoiles. Je n'ai vu que des mecs traîner à péter des Neyman le soir du réveillon. Allez, veille sur les tiens, tant pis si rien ne marche. Car sur cette terre, y'a vraiment rien qui maille. Ouais, joyeux Noël quand même. Est-ce le monde qui déraille ou moi qui ne suis plus pareil? On sait qui c'est l'ordure. Sur la bitume enneigée, le Père Noël nous oublie. Je monte donc, je n'entends que des cris. Ordure. C'est la panique sur les boulevards, on voit nos rêves partir ensemble. Si tu vois où je sors, le sait qui c'est l'ordure. Trop d'âmes crédules en perdition, jamais personne pour nous aider. On sait que cet enculé veut palper. Ordure. C'est juste un cri dédié aux malheureux. Je doute que le Père Noël puisse être son Marco, il c'est Noël nettoyeur. Car à l'envers c'est Léon. Combien de bites ont braqué pour que se verse les ronds? Près de vos institutions, y'a de la prostitution. Drogue à l'excès de consommation, 25-12 fistons. Combien de pognon Jésus a-t-il demandé que l'on claque autant de millions? Combien de balles, combien de clics-clics? Combien de qui vont se faire la nique-nique sous vos guirlandes électriques? Noël c'est ton CA, hein? Pour certains c'est leur décès, ouais. Pour moi, braque au populaire. Pour un zéro de plus sur vos PC. Ma fille Chala aura cadeau chaque jour que Dieu fait. Dans la famille, pas tes adeptes, tu as vos cartes. Partez, Père Noël rouge plein de sang sur traîneau. Je vois plus de coq que de neige, mois de décembre, pourtant je traîne. La foudre prendra le créneau, ben sang. Foudre de perles MPP sur ton sapin. J'braque l'imposteur du 24. Fouette cette pute, pente au pape. Tout le feu à sa haute me gratte. Et que meilleur feu explose les bacs, j'explose les stats. Millions foutus en l'air pour un mythe. Et après on stade tous comme des cons devant un sapin synthétique. Et qu'on se fasse la bise. Parce qu'après le 31 on est tous morts. Le facture sur la note et sur les impôts qui te harcèlent encore. T'as cru au Père Noël, l'état te remercie du fond du coffre. Les ministres se frottent les mains sur les vacances au ski que tu leur offres. T'as cru au Père Noël, j'attends que mes gosses poussent pour l'an bac. Et puis j'le sens de la carotte que j'économise pour leur cancevar. J'crois plus au Père Noël, je le laisse niffer toute sa poureuse. Vu que l'amertume peut toujours se lire dans nos yeux. On sait qui c'est l'ordure. Sur la bitume enneigée, le Père Noël nous oublie. Je m'endors, je n'entends que des cris. Ordure. C'est la panique sur les boulevards, on voit nos rêves partir ensemble. Si tu vois où je sors, le sait qui c'est l'ordure. Trop d'âmes crédules en perdition, jamais personne pour nous aider. On sait que cet enculé veut palper. Ordure. C'est juste un cri dédié aux malheureux. Je doute que le Père Noël puisse être son seul. Rappelles-tu ces chaudes soirées de décembre, ouais, où ils enroulèrent mes frères dans la paraffine pendant que mon arbre restait vide? J'ai su guider ma arme dans Paris comme un film. Fallait bien que nos femmes assument sous tes flocons de flammes. Tes enfants s'abritent sous les enzymes qui noient les zones qui se dessinent par coutume. Je rêve d'un Noël enneigé. Autre que par la poudre qui enraye les conduits nasaux, des hommes à barbe amaigris. Chaque nuit je repense à tous ces paquets emballés pour les autres, à tous ces gens à qui tu accordes une journée. Ouais, une journée. Mes rues s'agitent, Jésus me gêne, tout ça ma douleur s'ajoute. Aux larmes d'une mère qui pleure un fils, écartelé par un macoute. Alors je me réfugie et allume une bougie pour tous ces réfugiés qui parquaient dans les cales, ne te demandèrent qu'à refuser. Sincèrement, je leur Merry Christmas, leur fête à deux balles. Mentir aux gens, se faire de l'argent, vu d'une technique commerciale. Serait-ce du vent au 31, période où l'on enregistre le plus gros chiffre d'affaires, le plus gros nombre de personnes suicidaires. Regarde-les, ces faux jetons, profitez du luxe, des beaux restos. Que ceux qui dorment sous les ponts se partagent un bien des restos. A ton avis, est-ce qu'ils sans souci, des sans-abri, ils ont pas de boulot, payent pas d'impôts, donc on les laisse dans l'oubli. Plusieurs choses à craindre, si je pouvais réaliser mes rêves, Chirac serait le Père Noël. Et là, les poulets se transforment en dindes, les mêmes qui se blindent face au profit de leurs enjeux. Et ils sourient aux démunis en se souhaitant leurs meilleurs vœux. Yeah.